sans honneur. Sans pardon et sans amour. De quel droit cueille-t-on les fleurs? Ça ne peut pas durer toujours. Pourquoi la nuit fait-elle peur? Sans pardon et sans amour. Aux enfants et pas aux voleurs. Pourquoi chaque été brûle des forêts? Il y a trop d'amis fâchés. Pourquoi? Disparaître.